بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الخمسين سكوتشيم لسون قال في سؤال إعرابي بعد الثلاثمية 304 question ما هي أرض المحشر كلي التير دو الإكزود il s'agit de أرض الشام le Sham qui représente la Jordanie alors qu'il est la Syrie l'Irak la Palestine tous ces pays là approximativement sont le pays du Sham. Et ce sont une terre, c'est des lieux qui sont Mubaraka. وَالدَّلِيلِ قُولُهُ تَعَالَى وَوَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ حَشَرٍ وَحَدِيثِ مَيْمُونَ بِنْتِ سَعْدٍ مَوْلَاةِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قالت قلت لرسول الله أفتينا في بيت المقدس قال أرض محشر والمنشر. Qu'elle interroge le Nabi صلى الله عليه وسلم à propos justement de Al-Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire le Masjid al-Aqsa qui se trouve en Palestine, alors qu'il est. Il dit, c'est la terre de l'Exode et également de là où les choses débuteront. Rawahu ibn Majah. Donc ce lieu a une part très importante. Et il fait partie des berceaux du monde et également de sa fin. Naam. ثم قال في السؤال الخامس بعد 300 305 question بأي شريعة يحكم عيسى عند نزوله آخر الزمان par quelle législation est-ce que عيسى va-t-il juger à la fin du temps ce qui va descendre عليه السلام قال يحكم بشريعة محمد il jugera par la législation de Mohammed صلى الله عليه وسلم pas l'islam il ne viendra pas avec son livre mais viendra par l'islam par le Coran comme dans le hadith d'Abu Huraira قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وأمكم منكم فأمكم منكم فقال ابن أبي ذئب تدري ما أمكم أو ما أمكم منكم ما أمكم منكم قلت تخبرني قال فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه كلا دي صلى الله عليه وسلم Comment serez-vous lorsque Isa ibn Maryam descendra en votre sein ? Qala fa'ammakum minkum, qui vous dirigera. Et après, Ibn Abi Zib, il dit, sais-tu ce que veut dire ammakum minkum ? Je dis, je ne sais pas. Il dit, qui vous dirigera par le livre d'Allah et par la sunnah de votre messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dirigera par l'islam. Thumma qala fi sawal al-salis wa 300 306e question. Al-Iblis hay al-an am qad mat? Est-ce que Iblis est toujours vivant ou alors est-il déjà mort? Ça c'est ma'rouf, c'est connu. Qala wa hay ila yawm al-ma'lum alladhi anzarahu Allah ilayhi, qu'il est vivant jusqu'au jour décrété que Allah lui a accordé. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala qala rabbi fa'anzirni ila yawm yub'athun. Qala fa innaka min al-munzirin ila yawm al-yawm ila yawm al-waqt al-ma'lum. Qu'il est dit dans le sens ô Seigneur fais-moi attendre jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il dit, tu seras donc de ceux qui attendent. C'est-à-dire que Allah Azzawajal le fera vivre jusqu'à ce moment-là. Donc Iblis vit très longtemps, mais il aura un fin. Sa vie, elle aura un terme également. Et il sera voué au Nar. Ça, c'est surat al-Hajr, verset 36 à 37. Ou al-Hijr, 37-37. قال في السؤال السابع وثلاثمية 307 question ما هو السور qu'est-ce que la trompe dans laquelle soufflera l'ange قال هو إسرافيل قال هو قرن ينفخ فيه c'est une forme de corne dans laquelle إسرافيل soufflera et dans le dalil c'est le hadith de Abdullah ibn Amr قال أعرابيون يا رسول الله ما السور قال قرن ينفخ فيه qu'un bédouin demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que la trompe il dit c'est une corne dans laquelle on souffle apportée par Tirmidhi ثم قال في السؤال 308e question كم النفخات combien de souffle il y aura-t-il dans la trompe ça c'est le masala sur lequel il y a eu khilaf et le coul qui est le plus connu c'est qu'il n'y en a que deux souffles dans la trompe Nafratu al-Saq ou al-Faza' ou Nafratu al-Ba'th. Le premier souffle, ce sera celui par lequel les gens s'effondreront. Ils seront saisis de frayeur et s'effondreront. Et le deuxième souffle, c'est celui de la résurrection. والدليل قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. Donc il a dit, il sera soufflé dans la trompe et de là seront foudroyés tous ceux qui sont dans les cieux dans la terre, hormis ceux à qui Allah aura voulu. Puis il sera soufflé une deuxième fois et le voilà de vous qui regardent, qui attendent. Zumar, l'ornement, verset 68. Donc ce verset démontre bien qu'il y aura deux souffles dans la trompe. Un qui causera la tombée des hommes parmi les derniers. Et le deuxième souffle de la trompe qui sera celui qui amènera à la résurrection. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a même dit qu'en se levant, il verra Moussa prosterné. Donc il ne sait pas s'il aurait été épargné par la trompe ou est-ce qu'il a été réveillé avant les autres. Moussa alayhi salam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, verra trouver prosterné devant le trône d'Allah azza wa jal. ثم قال في السؤال التاسع والثلاثمية 309e question. ما حكم من كذب بالبعث؟ Qu'en est-il de ceux qui démentent la résurrection? Celui qui dit cela, c'est un mécréant pur. Et cela même reconnu par les gens du livre, qui eux-mêmes croient, ou plutôt sont censés croire, en le jour de la résurrection. Comme a dit Allah, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. Dans le sens où Allah dit que ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dit si, par mon Seigneur, vous serez certainement ressuscités et vous serez informés de ce que vous avez fait. Et cela est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà pourquoi les raisons par lesquelles les mécréants se permettent de faire tout ce qu'ils font, car ils s'imaginent qu'ils n'en rendront pas de compte. Et les gens du livre qui eux croient en la résurrection minimisent la chose. Comme a dit Allah an al-Yahoud, qala wa lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Que les juifs s'imaginent qu'ils seront touchés par le feu que quelques jours, qui finiront par en sortir. S'ils savaient, ils se seront éternellement. Ils se seront éternellement. Et les chrétiens, kazalik. Mais ils s'imaginent que la chose, les chrétiens par exemple, s'imaginent que ceux qui auront cru que Isa, qui s'appelle Jésus, est mort sur la croix pour expier les fautes de tous les hommes, entreront au paradis, quoi qu'il ait fait comme acte. Quoi qu'il ait fait comme acte, ils croient en cela. Donc ces gens-là ne savent pas ce qu'ils les attendent réellement. Et les autres, qui eux ne croient pas en cela, se permettent de commettre le plus grand crime sur terre, car ils se disent, de toute façon, je n'ai de compte à rendre à personne. Les juges sur terre sont des êtres humains. Ils peuvent être corrompus, et eux-mêmes sont peut-être pires que les criminels. Il dit, après la mort, qu'est-ce qui m'arrivera? Je ne vis qu'une fois, une fois que je serai mort, c'est fini. Et pourtant, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une fois que les gens seront morts, c'est là que les choses commenceront réellement. C'est là que les choses débuteront réellement. Wallah al-musta'an. فَنَسْأَلَ اللَّهُ نُسَبِّتَنَا فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ. هذا الذي أخذنا اليوم. وسعيد سي والحمد لله رب العالمين.